Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur parce que ce matin nous sommes comptés parmi les vivants. Dieu a permis que nous soyons encore ensemble pour communier autour de sa parole. C'est le deuxième culte que nous célébrons dans cette année. Et nous voulons que chacun de vous change ses manières. Comme un arbre planté doit croître tous les jours pour aller à la perfection et donner de bons fruits. Nous aussi, nous sommes des plantes, des semences qui ont été plantées en Christ. Chaque jour qui passe, chaque mois, chaque semaine qui passe, kila juma, kila mwezi ile kunapita, chaque mois qui passe, kila mwezi ile kunapita, chaque année qui passe, kila mwaka ile kunapita, doit nous rendre plus meilleurs. Inapasha kutufanya tuwe vazuri zaidi. Nous devons abandonner des habitudes négatives. Tunapasha kuacha matabia ya mbaya que nous avions dans cette année qui s'est écoulée, étendre plus à la perfection. C'est ce que fait un véritable chrétien. C'est ce que fait une véritable chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons le frère et les sœurs qui sont en ligne. Que les bénédictions du Seigneur soient avec eux. J'ai voulu dire ceci avant de commencer à vous donner les salutations des frères. Le reste de carreau que vous voyez dehors, ile mungu naona pale inje, ne sont pas jetés. Abaitupe apana. Nous avons conservé cela parce que cela sera utilisé. Tunaichunga juu tutaitumia baadaye. Nous avons suspendu les travaux. Tulisimamisha kwa muda kazi. Comme nos finances ne nous permettaient plus d'avancer avec cela. Et comme on n'a plus suffisamment d'endroits où pour les mettre ensemble, voilà pourquoi vous les voyez là où nous les avons stockés. Ne venez pas ici ni pour demander les morceaux de carreaux. Musikuje huku wala juu ya kuomba bipande wala bipasu ya makaro. Ou prendre ces morceaux de carreaux wala pour aller les utiliser dans vos besoins personnels. Wala musikuje huku na kubichugua juu ya kwenda kubitumia kwa manyumba yenu mwenyewe, hapana. Il y a encore beaucoup de choses à faire avec ces morceaux de carreaux que vous voyez. Ile bipande ya makaro tungariki nabyo kazi mingi. Quand les travaux vont commencer wakati gazi itaanza, du côté toilette, kungambo ya matoilette, et à d'autres endroits, na fazi ingine, on va les utiliser. Tutabitumia. Je pense que chacun de vous a compris. Na zania kila mmoja wenu anaelewa. Et nous vous faisons confiance. Na tunamitumainia. Et en tant que chrétien discipliné, sawa mukristo mwenye kuwa na utaratibu, évitez de venir chercher des histoires à l'église. Vous trouvez quelque chose, peut-être ceux qui travaillaient ont oublié. Toi, tu es un frère, tu es une sœur. Tu fais partie de notre. prenez cette chose-là, remettez aux administrateurs ou aux responsables, qui va le placer à un bon endroit. L'habitude que nous avions vue dans les jours passés, les frères viennent ici chercher les bêches, les pioches, quand les gens viennent chercher des histoires ici, ils ne retournent pas cela. Ce n'est pas une bonne manière d'agir. Demandez-vous les histoires chez vous à la maison. Parce que quand on a affaire à l'église, on ne peut pas commencer à chercher, on commence à demander dans les maisons des frères. Respectez les biens de l'église et ayez de la crainte pour cela. Il y a suffisamment de choses dans les maisons de frères. Allez demander à vos frères et à vos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Le frère John Mwamba, pasteur de Ndola. John Mwamba, ni pasteur wa Kundola. Son associé Mwamba. Mufwasi wake Nduku Mwamba. Le frère John Kitambala. Nduku John Kitambala. Le frère Pita, qui est devenu pasteur à Elisabethville, en Afrique du Sud. Donc Pita n'est pas pasteur, il coule avec Elisabethville, en Afrique du Sud. Le frère Katembo Stéphane, pasteur de la Tanzanie. Donc Katembo Stéphane, ni pasteur wa Tanzanie. Le frère Aloïse de Burundi. Donc Aloïse ni wa Burundi. Frère Jean-Marie USA. Donc Jean-Marie wa Amérique. Da la sœur Véronique. Da Véronique. Le pasteur Obed de Mabopane en Afrique du Sud. Duko Obed wa ku Mabopane kule ku Afrika Kusini. Le frère Jadik associé à Pretoria. Duko Jadik ni pastori mufwasi kule ku Pretoria. La sœur Patience Mukuta. Da Patience Mukuta. Le frère Godens Mukoma. Le pasteur Médard de Giseni au Rwanda. Le pasteur Minga Wasolwa de Lufuga, Bakongo. Le frère Daniel Tcheleka Sodimiko. Le frère Joseph Fan. Donc Joseph Fan. La sœur Betty. Dada Didier. Betty. Ah, Betty. Et le frère Nicolas de Kipushi. Ndoku Nicolas wa Kipushi. Vous ont tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, te barimi salimia mujina wa Bwana Yesu Kristo. Comme cela a été promis. Paka vile turi yaidi wala turilaka. Aujourd'hui, nous achevons complètement les questions-réponses. Leo, tutamaliza kabisa kabisa maulizo na majibu. Et à partir de mardi, nous allons introduire la parole prophétique. Na kuanzia siku ya kazi mbili tutaanza neno ya unabii. C'est comme je l'avais souligné une fois. Mpaka vile nalisemaka siku ingine. S'il y a des questions qui se sont levées dans vos cœurs. Kama muku maulizo mumio yenu. Dieu s'occupera de cela. Mungu atayangaikia. Mais toutes les questions qui ont été posées ici, alakini maulizo yote ilibariuliza huku, chacune a été répondue selon la capacité que Dieu nous a donnée. Kila mmoja ya ile maulizo ilijibiwa kufuatana na ile uwezo Mungu alitupatia. Nous n'avons fait que vous transmettre la connaissance que nous avons sur les Écritures, sur le message du temps de la fin, pour que cette Église marche en paix. Et c'est comme je l'avais souligné au début, quand dans le cœur d'un homme il y a trop de questions, wakati mumoyo wa mtu Mungu maulizo mingi, il est difficile à cet homme-là d'avancer dans la foi. Bitamukuia nguvu huyu mtu kuendelea muimani. Il ne va pas se préoccuper de sa foi. Astangaikia imani yake. Les questions s'émeront en lui de doute. Maulizo iluizo italeta shaka ndani ya moyo wake. Dans un cœur où il y a de doute, il n'y a pas de foi. Mumoyo mule muku mashaka muna imani. Et quand quelqu'un a des doutes, wakati mtu yuko na mashaka, il finira par embrasser une fausse doctrine. Mwisho yake atakumbatia mafundisho ya bongo. Oh, c'est un bon terrain favorable où les démons peuvent œuvrer. Na tena ile ni kiwanza mzuri mule mashetani tafurahikia kutumikia. J'ai vu cela avec un jeune frère qui était ici qui semblait être zélé. Na riona ile na kijana mmoja alikuwa anaonekana wa bidii. À un certain moment, kwa muda fulani, je ne sais pas comment il a été en contact avec les saints des derniers jours. Ni sijue namna kani alikutana na wale wanaita wa saints wa dernier jour wa mormon. Et au début là je ne savais pas, et il discutait beaucoup avec des frères. Kumwanjo kule sikujue alikuwa anabishana sana na banduku. Et il allait comme c'était un jeune homme qui allait souvent dans les maisons des frères. Sawa vile nikiana mwanaume alikuwa anatembelea manyumba ya banduku. Il parlait avec les jeunes sœurs. À un certain moment, l'ancien était saisi de la chose, l'avait appelé pour parler avec lui. Mais son esprit n'était plus correct. Vous voyez, il avait une haute opinion de lui-même. Alors il ne comprenait plus. Et il a fini par s'égarer. Ce sont des choses que nous ne voulons pas que cela vous arrive. C'est pourquoi, de temps en temps, quand il y a un enseignement, on vous donne l'occasion de poser vos questions. C'est pour épuiser ce doute qui s'élève en vous. Pour que chacun de vous embrasse seulement Christ. Maintenant, si vous avez d'autres ambitions que la foi, et que votre cœur n'est pas tellement attaché à la vérité, comme la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Si déjà vous avez glissé dans votre cœur un petit faux esprit, cela vous conduira à avoir un esprit de critique, un esprit de mépris. Vous allez commencer à critiquer les choses que vous ne comprenez pas. Et dans cet esprit-là, vous penserez que vous connaissez beaucoup de choses pendant que vous n'avez rien, que vous ne connaissez rien. Et cela vous a entraîné à des questions oiseuses. Et cela va vous égarer. La foi n'est pas dans les discussions. La foi naît lorsque le Saint-Esprit parle à ton cœur et vous révèle la vérité de l'Écriture. Quand on est enfant, on ne comprend pas beaucoup de choses. Quand on est jeune, on est prétentieux. Mais quand vous avez de l'âge, vous commencez maintenant à discerner chaque chose et à voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et vous remarquerez que ceux qui abandonnent l'église ou la foi par un esprit de dispute, ils ne vont nulle part. Vous les verrez. Comme réellement ils ont besoin de la chaleur, ils vont se retrouver dans les dénominations. Et là, ils vont se faire prédicateurs. Et ils n'avancent pas dans la foi. Et quelques temps après, ils retournent carrément dans le monde. Et ils deviennent des raisonneurs. Voyez. Alors, évitez cela. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Et pour la lecture de la parole de Dieu. Na juu ya usomi wa neno la Mungu. Ouvrons nos Bibles dans Romains au chapitre 13. Fungule ma Biblia yetu Murumi sura 13. Romains chapitre 13. Warumi sura 13. À partir du verset 1. Kwanzia mstari ya kwanza. Père céleste. Baba aliye juu mbinguni. Merci pour ce que tu fais pour nous dans toute simplicité. Asanti juu ya yote unatufanyia katika unyenyekevu yote. Merci pour cet amour éternel que tu as manifesté à notre égard. Asanti juu ya upendo wa milele ule unaonesha kwetu. Pendant que nous n'étions même pas un peuple. Wakati ile hatukuwa hata taifa. Dans une condition que aucun homme ne pouvait nous aimer. Mwali ile hakuna mtu hata mmoja anayeweza kutupenda. Mais toi tu nous as aimé le premier. Lakini wewe ulitupenda wa kwanza. Voilà pourquoi tu es devenu un homme comme nous. Jo komana ulikuwa mtu sawa sisi. Pour nous prendre en charge. Jo kutuangaikia. Pour souffrir à notre place. Dieu a coûté ses cas par phase yetu. Pour mourir à notre place. Dieu a coûté par phase yetu. Afin de nous donner la vie éternelle. Ili upate kutupatia buzima milele. Merci pour Jésus Christ. Asanti kwa ajili ya Yesu Kristo. Qui après le rachat. Ule kisha ukombozi. Il est monté au ciel. Alipanda kumbingu. Il s'est assis sur le trône du Père. Alikala kukume kukiti ya enzi ya Baba. Et il a fait des dons aux hommes. Na alifanyia watu mazawadi. Merci pour tous les dons que tu as donnés au corps. Asante juu ya mazawadi yote uleta kumwili yako. Merci pour toutes les charges que tu as données à nos églises locales. Asante juu ya mabuzito yote uleta makanisa pahali. Pour nous encadrer dans la foi. Juu ya kutuchunga katika imani. Maintenant Père. Sasa hivyo Baba. C'est frère. Frères et ses sœurs qui sont devant nous et ceux qui sont à l'écoute sur la voix des hommes ont réellement besoin de toi dans leur vie. Ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas venus pour entendre un homme, mais ils sont venus à toi pour recevoir tes instructions. Aide chacun de nous. Ouvre-nous l'intelligence et donne-nous la compréhension juste des Écritures. Nous voulons avancer dans la foi sans heurte. Nous voulons que notre vie chrétienne croisse pour que nous devenions de véritables enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté d'une manière à honorer ton nom. Tu connais tous nos problèmes, Seigneur. Souviens-toi de notre frère Kasongo qui s'est encore cassé la jambe hier. Seigneur, aie pitié de lui. Qu'il soit rétabli, Seigneur. C'est un bon frère que tu nous as donné. C'est à travers son travail qu'il a connu cet accident. Il doit travailler pour nourrir sa famille. Fais quelque chose pour lui. Souviens-toi aussi de la sœur Rose pour son traitement, Seigneur, afin qu'elle soit aussi rétablie. Tous les frères et toutes les sœurs qui sont malades d'une manière ou d'une autre, il est écrit dans les Saintes Écritures, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Guéris chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Guéris nos âmes, Seigneur. Nous avons besoin du salut. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de croître. Et nous avons besoin de te voir. Bénis chacun de nous. Ubariki kila mmoja wetu. Bénis la parole. Ubariki neno. Sois avec nous ce matin. Uwe nasi asubuhi ya leo. Tous les problèmes que nous avons. Mahitaji yote tunayo. Tu es notre seul espoir. Uwe ndio tumaini yetu pekee. Parce que tu es le Tout-Puissant. Juku mwenyezi. Tu as la réponse à chaque situation. Na uko na jibu kwa kila hitaji. Merci Père. Asante Baba. Ouvre-nous de ton esprit. Utupakae mafuta roho yako. Mets sur notre langue des paroles de grâce. Uweke chini ya ulimi yetu neno ya neema. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Romains 13, Warumi sura 13 verset 1. Mstari ya kwanza. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Mutu wote apate kutii benye mamlaka ya juu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Kwani hakuna wa mamlaka wasipo kutokea kwa Mungu. Et les autorités existent. Na benye mamlaka, les autorités qui existent benye mamlaka benye kuwako, ont été instituées de Dieu. Nani Mungu njaribaweka. C'est pourquoi kwa mana, celui qui s'oppose à l'autorité unanakombanisha benye mamlaka, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Manake anashindana na ile usawa Mungu aliweka. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Na pale utakubaliwa. Le magistrat Mwamzi est serviteur de Dieu pour ton bien. Ni mutumishi wa Mungu juu ya bizuri byako. Mais si tu fais le mal, lakini ukitenda mbaya, crains. Ogopa. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Kwani haina kwa bula anachukua mpanga. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ni sawa mutumishi wa Mungu njo anapiza benye kutenda mabaya. Il est donc nécessaire d'être soumis. Kumbi ni ya mafa kuti. Non seulement par crainte de la punition, aina tu kwa kongopa malipizi, mais encore par motif de conscience. Alakini ni jutu ya zamiri safi. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Jo kwa maana Mungu nalipa na kodi. Car le magistrat sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. Mupate kulipa yenye ile manamiomba. Impôt à ce que vous devez l'impôt. Kodi mupate kulipa kwa benye kulipa kodi. Le tribut à qui vous devez le tribut. Ma milambu. Milambu mupate kuitoa kwa benye kustahili upokea milambu. La crainte à qui vous devez la crainte. Poka muogope vale munastahili kuogopa. Honneur à qui vous devez l'honneur. Na heshima muheshimie vale munastahili kuheshimia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu ongeze baraka kusomi wa neno lake. Je ne sais pas si chacun de nous comprend l'importance des autorités que Dieu établit. Misi jua kama kila mmoja wetu naelewa mafao ya benye mamlaka wale Mungu aliweka. Imaginez si dans ce monde, mfikiri kwanza kama mu hii dunia huu, dans ce pays, mu hii nchi, dans notre cité de Kambove, mu muji yetu ya Kambove, il n'y avait aucune autorité, kama mukukwe mwenye mamlaka hata moya, il n'y avait aucune loi, amukwe sheria hata moya. Imaginez-vous quel serait le désordre parmi les gens. Les hommes et les femmes vivraient exactement comme des fous. Non pas comme des bêtes. Parce que les bêtes sont régies par une loi naturelle de Dieu. Dans la nature, il y a la loi. Mais un homme sans Dieu, un homme sans l'Esprit de Dieu, Il est moins qu'un animal. Il fait des folies même qu'un animal ne peut pas faire. C'est un instrument que Satan utilise après la chute pour détruire même la loi naturelle de Dieu, pour détruire la création divine. On vivrait dans un monde horrible. Mais les dieux du ciel, malgré que les gens n'ont pas son esprit, dans sa grâce, dans sa miséricorde, avec une seule conscience qu'il a mise dans les hommes, il a donné de lois, il a placé des rois, il a placé des autorités pour aider les gens à vivre dans l'harmonie, qu'ils vivent un peu dans la paix, qu'ils vivent un peu dans le respect, en attendant que le prince de la paix vienne accorder à l'humanité une paix durable. S'il n'y avait pas d'autorité, on vivrait la loi du plus fort. Quelqu'un peut venir te ravir ta femme. Une femme forte peut venir te ravir ton mari. Un méchant peut venir tuer tes enfants. Et tu n'aurais rien à dire. Quelqu'un peut venir le plus fort. Il t'enlève les vêtements. Il te laisse nu. Il y aurait des tueries partout. Ce serait un monde horrible. Mais comme Dieu se soucie de ses créatures, voilà pourquoi les autorités ont été établies par Dieu. Vous voyez, même dans l'ancien temps, Dieu suscitait même des autorités qui devenaient méchants plus tard par l'influence satanique. En réalité, toutes les autorités sont placées de Dieu, sont placées par Dieu. Regardez ce qui se passe. Quand quelqu'un n'a pas le pouvoir, il a de bonnes promesses. Il a de bonnes pensées. Vous voyez, il a de bonnes intentions. Regardez même nos autorités, nos politiciens. Quand ils exposent leurs projets, ce sont des beaux projets. Vous voyez bien, mes frères, ils sont purs de leur cœur. Ils ont le souci d'aider le peuple. Ils ont le souci de faire du bien au pays. Maintenant, regardez. Quand Dieu leur donne le pouvoir, parce que toute autorité vient de Dieu, dès qu'ils sont sur le trône, au lieu de s'attacher à Dieu qui leur a donné le pouvoir, mais ils veulent gérer leur autorité et leur pouvoir par Satan. C'est ça la difficulté que nous avons. C'est ça le problème. Au lieu que ces gens amènent la paix, amènent le bonheur, qu'ils traitent les gens correctement, Satan leur dit, si vous voulez bien régner, il faut dominer Il faut dominer avec méchanceté ces gens pour qu'ils vous craignent. Et ton pouvoir va durer longtemps. Vous voyez. Au lieu de gérer leur pouvoir par amour, ils commencent à gérer le pouvoir par la méchanceté. Pourquoi? C'est à cause de la nature pécheresse de l'homme. Parce que l'homme est incliné et penché vers le mal. Et depuis que notre père Adam avait brisé la parole et qu'il avait perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné, c'est Satan qui a récupéré ce pouvoir et il nous a récupéré même la terre et c'est lui qui gère tous les gouvernements du monde entier. C'est pourquoi au temps du Seigneur Jésus, quand il est allé vers lui, il dit, si toi tu m'adores, parce que les autorités mondiales adorent Satan. Quoi bien, mes frères? Même quand ils disent les dieux du ciel, que les dieux du ciel nous aident, ce n'est pas les véritables dieux. C'est Satan. Quoi bien, mes frères? Satan dit au Seigneur, si tu m'adores, je vais te donner le monde entier. Parce que c'est moi qui les gouverne. Jésus n'a jamais dit, non, tu mens, c'est moi qui gouverne ça. Jésus a accepté que ce que Satan disait était la vérité. Parce que son temps viendrait où lui-même prendrait le contrôle de ce que l'homme avait perdu. Alors, c'est pourquoi vous voyez les choses dans le monde vont de mal en pire. Parce que c'est Satan qui est au contrôle. Regardez même dans le foyer ici. Quand deux hommes se marient, ils espèrent le bonheur. Il n'y a pas de problème. Mais quand Satan vient habiter leur cœur, il y a maintenant des brisements de cœur. Il y a des pleurs, des blessures. La maison n'est plus gérée par l'amour, mais c'est l'esprit de la vengeance, de la haine qui gère la maison parce que Satan est entré. Satan se réjouit quand il voit le peuple gémir. Maintenant, le peuple, qui ne comprend absolument rien, les gens là, qui les domine méchamment, le même peuple, à cause des petites choses qu'ils reçoivent, qui les aveugle un peu, on les appelle sauveurs libérateurs. Mais nous attendons un royaume où le prince de la paix régnera par amour et nous donnera une paix éternelle, et chacun de nous ne connaîtra ni douleur, ni souffrance, ni maladie, pas de guerre, pas de brisement de cœur, parce que le prince de la paix sera le roi dans le millénium. Bien pour si c'était, vous n'avez rien à espérer. Mais Dieu, dans son amour, en plaçant les autorités, c'est pour nous aider à vivre une demi-paix. C'est pourquoi vous, en tant que chrétien, nous, en tant que chrétiens, Nous devons respecter l'ordre des autorités. Nous devons respecter les lois du pays. Nous devons craindre les magistrats parce que nous savons qu'ils sont là pour notre bien, pour notre paix, bien que cette paix-là est éphémère. Un véritable chrétien ne se venge pas, même s'il a indifférent avec un païen. Le tribunal est là, le magistrat est là pour régler ce problème. Vous voyez bien, mes frères, même dans la loi humaine, quand vous vengez vous-même, vous perdez votre raison. Laissez la loi s'occuper de cela. Payez vos impôts. Parce que les impôts aideront à payer les fonctionnaires de l'État. Ça doit aider à reconstruire les routes, construire les hôpitaux, ainsi de suite. Hospitali na vitu vinginepo. Bien qu'il y a des méchants qui détournent toujours cet argent, mais Dieu dans son amour, Mungu mapendo yake, il laisse quand même une petite brèche où il peut nous faire des petites choses pour soulager notre misère. C'est pourquoi honorons les rois, craignons le magistrat, payons nos impôts, respectons la loi du pays, respectons les autorités. Même s'ils agissent mal, Dieu s'occupera d'eux. Celui qui doit être honoré, vous devez l'honorer. Parce qu'un chrétien aime la loi, aime l'ordre, aime le respect. Alors respectez la loi. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends la dernière question. 99e question. Homme de Dieu, bonjour. Mutumishi wa Mungu nakusalimu. Je voudrais savoir une chose. Napenda nijue kitu kimoja. J'ai remarqué que vous nous parlez beaucoup de dénominations. Ninaona ya kwamba unatusemezea sana kuhusu madhehebu. De leurs représentants légaux. Ya basimamizi yabo kusheria. De hiérarchie et autres choses. Na macheo na vinginepo. Wananayo. Maintenant, j'ai entendu aussi qu'il y a des représentants légaux dans les milieux du message. Sasa, nalipata habari ya kwamba mujumbe namo muko wako na basimamizi ku serikali. Est-ce que cette organisation eti ile matengenezo tôt ou tard kumuenda masiku ne peut-elle pas nous plonger dans une dénomination? Eti ayezi nayo kumwenda masiku kututumbukiza muzebu. Croyez-vous que nos frères eti munaamini ya kwamba banduku yetu ou les responsables wala basimamizi qui sont à la tête de cette organisation bale beko kumbele ya ile matengenezo ou les gens qui viendront après wala bale batakuja kisha bao ne peuvent pas agir comme les dénominations d'aujourd'hui? Que ferons-nous si cela nous arrivait? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est une question qui est posée sur le représentant légal. Niulizo ile banauliza kuhusu basimamizi benye kusimamia kanisa ku serikali. Dans le milieu du message. Mujumbe. Le frère ou la sœur a la crainte. Huyu nduku wala dada eko na ogopa. Que ceux qui représentent le message ya kwamba wale wanatusimamia ku serikali mujumbe change de conduite basiwe babadirishe mwenendo yabo pour nous conduire dans une organisation dénominationnelle na juba situongoze muzebo ou les gens qui viendront plus tard après ceux qui nous représentent aujourd'hui wala wale bantu batakuya kisha abatukunabo leo puissent se comporter comme les représentants dénominationnels. Que ferons-nous si cela nous arrive? C'est ça la préoccupation de la sœur ou du frère. Il y a des pensées difficiles à répondre. Parce que nous tous sommes limités dans le temps. Nous ne connaissons pas l'avenir. Et nous ne pouvons pas prédire ce qui peut nous arriver. Plus tard, hatuwezi kutangulia kusema ile itatufikia baadaye. Parce que nous ne savons pas exactement ce qui se trouve dans chaque homme. Ju atuyue kabisa kabisa ni nini inapatikana mumoyo wa kila mtu. C'est pourquoi il est difficile de répondre clairement sur cette question, cette préoccupation. Iko nguvu sana kujibia kuulizo ya hivi. Mais par amour alakini, kwa ajili tu ya mapendo, et par confiance kwa ajili ya kutumainia, nous ne pouvons soupçonner personne. Atuwezi kuwazia mutu kibaya. Parce que la Bible dit juu Biblia inasema, l'amour croit tout mapendo iku naamini yote. Et l'amour ne soupçonne pas. Nous croyons que ce sont nos frères bien-aimés, de véritables serviteurs, des gens qui craignent le Seigneur, qui sont réellement au service de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui nous représentent ont prouvé preuve de leur fidélité. Ils ne se sont jamais compromis. Ça fait plusieurs années, plus de 30 ans, qui nous représentent auprès de l'État et devant la loi, et nous sommes satisfaits de leur comportement. Ils ne se comportent pas en chef ou en dominateur. Toutes les églises du message, sinon du parti qui nous concerne, ne sont pas dérangées. Non, bien-aimés frères, on n'a jamais vu un comportement dénominationnel. Atuya onaka mo kujongoza kwa kizebo hata kumoya. Les églises sont libres. Makanisa iko huru. On ne les reproche rien dans leur conduite. Et nous aimons leur comportement. Et comment ils font les choses vis-à-vis de la loi. Pour ceux qui viendront après, on s'arrête entre les mains du Seigneur. Nous savons que Satan ne nous laissera pas libres. Il cherchera à glisser au milieu de nous des fausses personnes pour déranger la parole de Dieu. Mais nous prions que Dieu nous préserve. Qu'on n'arrive pas à cet état de choses. Comme nous l'avons vu dans certains milieux du message. C'est-à-dire dans certains milieux. C'est-à-dire de ceux qui se disent croire le message du temps de la fin. On a vu le responsable se bagarrer. Ils se sont divisés. Ils ont fait des choses honteuses devant la face du monde. Des fois se comportant exactement comme les dénominations. Que Dieu nous en préserve. Mais nous veillons sur ça. Donc par amour, nous n'avons rien contre le frère qui nous représente jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pour répondre un peu, éclairer cette pensée, un représentant légal, c'est qui? Un représentant légal est une personne physique qui représente un groupe d'hommes ayant le même objectif, c'est-à-dire ce groupe d'hommes-là, ils ont un même objectif, ils ont la même doctrine auprès des autorités ou auprès de la loi. Un représentant légal est une personne physique qui représente un groupe d'hommes ayant la même doctrine, ayant le même objectif auprès des autorités ou auprès de la loi. Dans le monde entier, à travers tous les pays du monde, il n'existe pas un seul groupe d'hommes qui pénètre sans qu'il ne soit reconnu par l'État ou les autorités nationales. Non, frère. Apana ndoku. Non, ma soeur. Apana dada. Quand un groupe d'hommes s'élève, wakati kundi ya watu ikilamuka, l'État qui est le gérant de la nation, serikali yenye kwa kiongozi ya taifa mzima, est dans l'obligation iko katika mapasha de savoir ya kujua pourquoi ces gens-là juanini ya babatu se réunissent bana kusanika. Qu'est-ce qu'ils font? Ni bitu gani wako nafanya mumkusani yabo? Quel est leur objectif? Kifukuzi yabo ni nini? Quel est leur plan? Mapu yabo ni nini? Qu'est-ce qu'ils croient? Na banaamini bitu gani? C'est pourquoi chaque groupe jokomana kila kundi ya watu qui naît dans un pays ile kunaanzishwa mwinchi est obligé inalazimishwa de définir avec précision ya kusema wazi wazi ses objectifs mabifukuzio yabo avant son existence bele ipate kuwa kwa ile kundi ya watu et définir na kuonesha wazi wazi ses activités makazi yabo pour être bien surveillé. Juba pate kubaongoza mzuri c'est dans les buts ni mukifukuzio d'éviter les troubles ya kuepuka fujo troubles publics fujo mubatu c'est pour éviter les désordres ya kuepuka fujo c'est pour éviter la révolte contre les autorités contre l'état ni ya kuepuka batu kusikwe utombozi ya kutombokea serikali l'état doit se rassurer serikali inapaswa kuwa na hakikisho est-ce que ce groupe qui naît ya kwamba eti hii kundi ya watu la pour nous aider dans la lourde mission que nous avons d'éduquer le peuple eti hii kundi ya watu iko hapo jua kutusaidia mukazi mnene tuko na jua salama ya watu ou c'est un groupe qui est né pour combattre et déstabiliser l'État. Ao ni kundi ile la zali wajua kukombanisha serikali. Et on doit savoir l'objectif. Ah, serikali inapaswa kujua kikusudio. Ça va aider le pays. Eti tasaidia inchi. Ça va amener la paix dans la population. Eti italeta salama mu watu. Ça contribue à l'éducation. Eti kunasaidia kumadabisho. Parce qu'il ne faut pas qu'un groupe naisse. Haipashi kundi ya watu ilamuke. Pour engendrer des bandits. Jua kuleta bajambazi. Non bien aimé frère, un groupe de malfaiteurs. Kundi ya batenda mabaya, maovu. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. L'État veille. Serikali kuna kesha. À la sécurité de l'État. Yulia, à la sécurité de biens. Ukingo ya. À la tranquillité. Na usalama. De tout le monde. Ya batu bote. Alors il doit contrôler ça. Amanake serikali inapaswa kuchunguza. C'est pourquoi le groupe. Joko mana makundi ya watu. Définit ses activités. Inapaswa kuonesha. Tu fais quoi? Bitu beko na fanya. Pourquoi tu le fais? Je a nini le kundi? Quelle est votre doctrine? Muko na fundisha bitu gani? Et l'État a un œil là-dessus. Ah, serikali itakuwa na misopa. Oui bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Et nous en tant qu'église. Na sisi sawa kanisa. Dans notre mission d'évangélisation, nous avons un objectif de faire de chacun de nous un bon citoyen, une bonne citoyenne, des bons parents, des bons enfants, vous voyez, des bonnes personnes. Qui aide l'État, wale wanasaidia serikali, vous voyez, unaona, à éduquer sa masse. Ya kuongoza taifa yake. Il y a beaucoup de problèmes qui s'élèvent parmi les gens. Huku mambo mingi kunalamuka katikati ya watu. Et la parole de Dieu na, neno la Mungu, a déjà prouvé qu'elle contribue beaucoup ya kwamba inasaidia à la paix sociale. Usalama ya watu. Vous voyez, unaona, si l'État aujourd'hui, kama serikali leo, moi, votre berger, m'a donné ce titre d'honneur qui n'a rien à faire avec la politique, comme je l'ai dit autrefois. C'est à cause du travail qu'on fait d'amener la paix dans vos maisons. Pas seulement vous que nous conduisons. Même les gens de la cité. Les païens viennent nous consulter. au lieu que tout aille terminer à la police, au tribunal, ainsi qu'au parquet, Dieu nous a doté d'un pouvoir, de la sagesse, pour amener la paix dans les cœurs des gens. Et l'État a reconnu cela. Comme des gens qui contribuent à l'avancement de la paix, à l'éducation de masse. Vous voyez bien, mes frères, c'est pourquoi chaque groupe naissant doit être reconnu par les autorités. Après avoir vérifié leurs activités, ils font quoi? Après avoir vérifié leurs objectifs, ils veulent amener les gens où? Après avoir vérifié leur doctrine, leur croyance, qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens? Et l'État leur donne maintenant une autorisation ou une personnalité juridique pour fonctionner en toute liberté comme nous adorons aujourd'hui. La naissance de chaque groupe est enregistré auprès des autorités selon le loi de ce pays-là. Dans d'autres pays, l'administration n'est pas centralisée. Comme si chez nous, tout se passe à Kinshasa. Dans d'autres pays, donc les autorités nationales ont déjà donné le pouvoir aux autorités locales, comme ici chez nous, d'octroyer les autorisations d'existence de groupes. Par exemple, comme notre église ici, on pouvait seulement aller ici chez nous, voir l'athée qui nous connaît bien, tout le monde nous connaît, et demander l'autorisation. Vous voyez, maintenant, ici, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a Kinshasa qui donne l'autorisation. Vous voyez. Mais dans des pays, par exemple, qui ont un régime fédéral, donc ils vont vers le gouvernement fédéral pour récupérer cette autorisation. C'est pourquoi quand vous lisez le message du temps de la fin, vous verrez que Frère Branham, avec son église, était enregistré auprès des autorités locales de son pays, conformément à la loi fédérale des États-Unis. L'église est avec moi. Est-ce que l'église est avec moi? Vous voyez, ici chez nous, tout se passe à Kinshasa. Mais dans des pays qui sont fédérés, ils s'enregistrent auprès des autorités locales. C'est pourquoi, dans le message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Dans son paragraphe 16, à la page 5, Frère Branham dit ceci, page 5, paragraphe 16. Cependant, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle. nous sommes enregistrés. Banesha kutuandika kutujua. Ici auprès des tribunaux. Huku kumabaraza. Un groupe de gens organisés ensemble. Kundi ya watu wenye kutengenezwa banekala pamoja. Pour adorer Christ. Juu ya kumwabudu Kristo. Mais alakini, nous ne sommes pas une dénomination. Hatuna zehebu. Personne hakuna mutu ne dominera sur nous. Hakuna mutu la tatutawala. Vous voyez, munaona, ce n'est pas une dénomination. Haina zehebu. C'est juste une organisation, alakini ni matengenezo, c'est-à-dire manaki, une communauté de croyants chrétiens. Kundi ya watu benye kuamini. Vous voyez, unaona, c'est une communauté de croyants kundi ya baminifu, qui sont organisés en son sein ndani yabo, selon la parole de Dieu. Benye kwa na matengenezo ndani yabo kufuatana na neno la pas Mungu. Selon le monde. Apana kufuatana na dunia. L'église est avec moi. Kanisa munafuata. Nous avons ici une organisation locale. Tuko na matengenezo ya pahali. Et notre organisation matengenezo yetu ya pahali n'est pas faite selon le monde. Haifuaniwe kufuatana na dunia. Ni selon la politique. Wala kufuatana na siasa. Mais notre organisation lakini matengenezo yetu est liée à la parole de Dieu. Ni yenye kufungana na neno la Mungu. C'est cette organisation joile matengenezo qui gère cette église. Ndio inaongoza ikanisa. Qui gère l'église de Fobana. Ilikuwa na ongoza kanisa ndugu Branham. C'est pourquoi vous voyez ici Frère Branham. Tuko maana mtaona hapa ndugu Branham anasema ici nous sommes enregistrés. Banesha kutuojua. Auprès des tribunaux. Ma baraza. Comme un groupe de gens. Sawa kundi ya watu. Qui sont en ordre. Benyu kwa musawa. Qui est en ordre. Benyu kwa matengenezo mzuri. Ensemble pour adorer Christ. Dieu a kuabudu Kristo. Mais nous ne sommes pas une dénomination. Alakini hatuna zehebu. Nous ne sommes pas gérés ailleurs. Dans le monde. Et personne ne nous domine. Et personne ne nous dominera. Vous voyez. Parce que dans la dénomination, la dénomination est dominée et gérée par un homme. Vous voyez bien mes frères, ici nous sommes une communauté de croyants, nous sommes l'église de Christ dans la cité de Cambove, une église autonome, une église indépendante, une église souveraine dans la cité de Cambove. Une communauté Nikundi ya watu, dans laquelle mule ndani yabo, les gens viennent ici à l'église batu beko na kuja uku kanisa, et ceci na hii kanisa et ceci devient leur église. Na hii inakuwa kanisa yabo. S'ils désirent venir durant toute leur vie, kama wanapenda kuya maisha yabo yote, pas de problème. Hakuna mambo. Vous voyez, munaona, l'église est avec moi. Kanisa munafuata. Donc en tant qu'église du Seigneur, ici à Cambove, notre ordre, notre organisation interne ne dépend d'aucune personne à l'extérieur. Il n'y a aucun homme qui est au-dessus de cette église. L'ordre que nous avons ici, c'est l'ordre divin. L'ordre biblique que Dieu a imposé à ses assemblées locales. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, Paul écrit à Tite, j'étais laissé à Crète. Vous voyez, s'il se trouve quelques hommes, ils commencent à donner les critères. Un homme mari d'une seule femme qui craint Dieu et hospitalier, vous voyez, alors placez-les Donc il y a des critères bibliques. Il y a des conditions bibliques que Dieu lui-même a imposé pour choisir quelqu'un comme un responsable de l'église locale, l'église souveraine locale dans une cité. Ce n'est pas l'État qui vient mettre cet ordre-là. Ou une certaine organisation qui vient s'ingérer. Non, bien-aimé frère. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Ok. Donc, Frère Branham, de son temps, pour respecter les autorités, il s'était fait enregistrer auprès du gouvernement fédéral. Ici, je suis obligé de vous dire un peu la genèse, un peu de genèse. Comment le message est venu ici? Le message du temps de la fin, ujumbe ya wakati wa mwisho, je vais sauter beaucoup de choses. Mitaruga bitu mingi. Nous est parvenu ici au Congo. Iri tufikia umu mukongo. C'est par frère Barlier. Ni kupitia nduku Barlier. Et par frère Frank. Na kupitia nduku Frank. Via Kinshasa. Kupitia Kinshasa. Par le frère Mukuna. Na nduku Mukuna. Qui, à cette époque-là, était responsable dans une église dénominationnelle des témoins de Christ. Il n'était pas le numéro un, non. Ah. Il était un responsable, un pasteur. Parce qu'à cette époque-là, même frère Franck, frère Balier, il n'y avait personne. Le message est entré ici par les moyens de brochures. Frère Barlier s'était arrangé pour envoyer des brochures dans les boîtes de lettres des gens. Il envoyait dans les boîtes et ce sont des responsables ou des individus qui recevaient une brochure 2, 3, 4. En lisant le message, les gens cherchaient maintenant, les gens comprenaient que la vérité était là. Et les choses qu'ils lisaient étaient la vérité. Mais dans leur église, ils ne croyaient pas cela. Dieu a fait cela d'une manière surnaturelle. Il y a eu des individus qui ont reçu ce message. Et au début, on traitait beaucoup sur la divinité de Jésus-Christ. Sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Ce sont ces deux enseignements qui avaient secoué toutes les dénominations. Parce qu'avant l'arrivée du message ici, ce sont des témoins de Jéhovah qui faisaient la loi. Aucune dénomination n'osait s'affronter avec les témoins de Jéhovah. Les autres qui faisaient un peu face aux témoins de Jéhovah, c'était les Adventistes du septième jour. Mais quand le message est venu avec la révélation de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ et du baptême au nom de Jésus-Christ dans les grandes eaux, même les témoins de Jéhovah se sont tus. Personne ne pouvait résister à la vérité. Mais tous ces gens qui recevaient le message, bote, pokea ujumbe, ne, il n'y avait pas d'église, il n'existait pas d'église. Akukwe kanisa, bakukwe na kanisa. Mais dans leur cœur, ils étaient nés, la sorte de se faire baptiser, mais il n'y avait personne. C'est ainsi qu'il y a eu des frères qui sont allés en Allemagne, les autres se sont fait baptiser là-bas, et cela a obligé maintenant à frère Franck, à frère Balier de venir ici pour visiter ces lettres qu'il recevait avec l'écrit de détresse qui avait soif de la parole. Voyez, et à partir de là, le message est venu du côté Kasai. Et cela est venu à Kolwezi, Lubumbashi. Et ça s'est éparpillé un peu partout au Congo. Il y a beaucoup de choses à dire là. Faziote mu Congo mziba. Maintenant, sasa, nous sommes au temps du Zaïr. Tuko mu wakati ya Zaïr. Et au temps de MPR. Mu wakati ya MPR, chama cha MPR. On n'avait pas le droit d'adorer parce qu'on n'était pas reconnu. Quand le message est venu, nous tous on croyait qu'avoir les documents officiels de l'État, c'est ça être une dénomination. Être pasteur, c'est être une dénomination. C'est pourquoi dans les premières heures, les termes pasteur, les termes diacre, l'organisation ici que nous avons localement, était considérée comme une dénomination. Et comment l'Église fonctionner. Les gens venaient se réunir comme ils sont venus ici. On chantait. Pendant qu'on prie là, un frère courageux s'élève et il passe devant la chaire. Quand on dit, quand on clôture la prière, le frère s'élève et il dit, que Dieu vous bénisse frère, que Dieu vous bénisse sœur, j'ai quelque chose sur le cœur. Peut-être il a eu une petite brochure qu'il a lue. Alors il prêchait. C'est comme ça que les gens priaient. C'est comme ça que le message a commencé. Maintenant, frère Balier et frère Franck ont commencé à envoyer des brochures. Et ils ont commencé maintenant à nous visiter. Et l'église, les églises commençaient à prendre forme. Quand les églises ont commencé à prendre forme, presque sur toute l'étendue de la République, le message a rencontré une opposition auprès des autorités. C'est à ce moment-là que frère Franck écrivit sa première lettre depuis Krefeld du 2 avril 1983. Pour demander, d'abord, il est allé voir l'ambassadeur, notre ambassadeur de la République du Zaïre en Allemagne, Papalozi wa Zaïre mule mwa mu Germany, qui le connaissait bien. Ula alimjua mzuri, il connaissait frère Franck bien. Alimjua nduku Franck mzuri, parce que frère Franck était un homme qui était respecté beaucoup en Allemagne. Nduku Franck barkova na mheshimiwa sana. Il avait une très bonne réputation. Alikuwa na kafumo mzuri. Et il avait déjà des documents officiels. Alikuwa na mabarua ya serikali. Et frère Franck est allé voir notre ambassadeur. Nduku Franck akaenda kuona parce que ce n'était pas facile. Au temps de Mobutu. Wakati ya Mobutu. D'aller à la présidence pour déposer votre lettre. Kwenda kwa araisi na kupeleka barua zako haikuwa kepesi. Alors frère Franck est allé d'abord voir. Duku Frank arienda kwanza kumuona notre ambassadeur. Kabalozi wetu wa Zaire. Il lui remettra une lettre. Akampatia barua. et les documents de l'Allemagne na barua ya ku Germany pour montrer que ja kumonesha kwamba ce sont des croyants ni ba ministre qui n'ont pas autre objectif abana na kifuguzio kingine. Nous croyons le message de Frère Branham. Voilà notre doctrine. Mafundisho yetu yo. Voilà là où nous amenons les gens. Ngara kule tukunapeleka batu. Et en dehors de cela, na inje ya ile, après avoir parlé avec l'ambassadeur, kisha kuongea na babalozi wa Zaire, c'est l'ambassadeur qui lui donnera maintenant une recommandation. Babalozi wetu ndio akampatia sasa ruhusa. Et Frère Branham était obligé na nduku Frank alilazimishwa d'écrire au président de la République du Zaire, a raisi wa Zaire, la lettre datée Krefeld de Krefeld le 2 avril Barua 1983. J'ai cette lettre ici. Ku Germany anaituma mu Zaire. Je ne saurais pas lire ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Shitasoma ile barua itatuchukua muda. Et ici frère Frank. Ku Frank. Puis tous les frères qui étaient comme des responsables dans chaque ville, il annexa leur nom à sa lettre pour qu'on leur donne l'autorisation d'adorer. Vous voyez, d'adorer. Et cette lettre est signée Révérend Ewald Frank. Ewald Frank. Il écrivit une autre lettre. Ingine. Et nous avait aidé avec les statuts. Na, na ile statut. Ah, la manière dont le groupe s'est géré. Na, ile kundi, na et à cette lettre de la présidence, oui, le barua ya serkali, ya, il annexa l'attestation de notre ambassadeur en Allemagne qui à ce temps-là c'était monsieur Kaninda. C'est lui qui représentait. Donc c'était Itela. Non, c'était le ministre conseil qui avait signé. L'ambassadeur était Kaninda, mais c'est lui qui avait signé. C'était le conseiller, ministre conseiller Ikela. Frère Frank avait annexé ça. Maintenant, une autre lettre fut écrite au commissaire d'État. Du département de la justice au Zaïre. Il y a département justice au Zaïre. À la même date. Pakabuile anwani mwamo. Et frère Frank. Donc Frank. Annexa toujours les pièces. Aka namika koi le kartasi. De son centre à la lettre. Il y a centre missionnaire ya ke kuile barua. C'était pour demander l'autorisation. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu d'autres lettres qui furent écrites. Et on a commencé quand même à se réunir. Et il y a eu Frère Chiombo qui avait été choisi comme avocat pour des problèmes juridiques. Si vous voulez lire ces lettres, elles sont là. Alors, comme je le disais ici, les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Jusqu'au temps où le message se répandait davantage. On devenait de plus en plus nombreux. Et le Seigneur permis qu'on ait la personnalité juridique. Nous avions été reconnus officiellement et on nous avait autorisé à œuvrer comme un groupe dans le message du temps de la fin. Wakaturusu tupate kutumika sawa kundi ya watu mujumbe wakati wa mwisho. Voyez. Munaona? Donc on ne pouvait pas œuvrer sans cela. Atukuwezi kutumika bila kwa na ile ruhusa. Et frère Frank nous a aidé, frère Barlier. Nduku Frank na frère Barlier walitusaidia. Pour que nous obtenions ce document. Tupate ile makartasi ya ruhusa. Dans l'influence de notre. Mumaubiri uvuto ya mtu mwingine. Du 13 octobre, il y a 13 octobre 1962, à la page 21, au paragraphe 21, vous pouvez aller jusqu'au paragraphe 22, je ne veux pas vous garder longtemps, parce que je vois des personnes debout, et certaines s'élevant pour que les autres puissent s'asseoir. Nous faisons tous nos efforts pour essayer d'obtenir l'autorisation d'asseoir environ 300 à 400 personnes de plus. Mais les autorités locales semblent vouloir nous en empêcher. Parce que nous n'avons pas d'espace voulu pour parquer. Nous avons reçu l'autorisation d'Indianapolis, c'est-à-dire de la ville, et alors nous devons avoir de l'espace pour parquer. Oh, quand nous mettons ici dedans, quand nous mettons ici dedans quatre personnes, nous devons avoir assez de place pour mettre une voiture dehors. Vous voyez? Aux États-Unis, au temps de Frère Branham, quand on vous donne l'autorisation, vous devez avoir un parking qui va contenir les véhicules, les motos de tous ces gens qui viennent se rassembler. Ils ne permettaient pas qu'on parque sur la voie publique. Maintenant, comme Frère Branham à son temps, la première église était une petite église qui contenait presque moins de 300 membres, alors que le groupe avait déjà pris un peu de masse, ils étaient au-delà de 400. Donc les autorités locales, par manque de parking, les empêchaient d'avoir cette autorisation. Donc il fallait remplir ces conditions-là. Bien qu'ils étaient autorisés à se réunir. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Et cela, c'est constitutionnel. Ah. Chaque groupe doit œuvrer en respectant la constitution du pays. Chaque groupe doit avoir des activités qui respectent la constitution de la République. Chaque groupe qui se réunit doit avoir des objectifs qui respectent la constitution. Vous voyez. Maintenant, sasa, pour ce qui nous concerne, kwa ile natuelekea sisi, nous qui croyons au message du temps de la fin, sisi benye kuamini ujumbe ya wakati wa mwisho, il y a une très grande différence uko achanisho munene sana entre un représentant légal katikati ya musimamizi wa usheria qui se tient devant les autorités ou devant la loi pour que nous ayons l'autorisation d'adorer librement et un représentant légal dans les dénominations. kukuachanisho ya msimamizi ule anatusimamia kwa serikali tupate ruhusa ya kuabudu na msimamizi wa madhehebu. Il est vrai. Ni kweli. Que dans ces soi-disant messages, dans les faux messages, mwambale wenye kujita sema wanaamini ujumbe. Il y a des frères qui sont entrés avec de mauvais objectifs. Ukubantu kubaringia na bifukuzio bibaya. Qui ne comprennent absolument rien. Qui voient les choses avec la pensée dénominationnelle. Il y en a. Il y a des frères qui sont arrivés dans ce message pour s'enrichir. Ça ne manque jamais. Même autant de frères Branham, et même autant de Jésus, même autant des apôtres. Il y a un homme comme Diotref. Vous voyez bien les mêmes frères. Ça ne manque jamais. Des gens qui viennent dans le monde, au milieu des chrétiens avec des faux objectifs. Comme les Nicolaïtes. Vous voyez. Maintenant, suivez-moi très bien. Je disais ici, nasema, il y a une très grande différence entre un représentant légal dans ce message kati ya et un représentant légal dans les dénominations. Wa un représentant légal dans une dénomination. Notez cela. Wa kusheria muzeebu. Premièrement, kwanza, est un chef spirituel. Ni mkubwa wa kanisa. Il est un chef spirituel de cette communauté. Ni mkubwa wa kiro wa ile kanisa. De ce groupe, de ces églises là. Yenjo chef wa ile kanisa, wa ile kundi ya watu, yenjo chef yabo. C'est lui qui nomme. Yenjo kona patia bantu kazi. C'est lui qui révoque. Yenjo kona tosha bantu kazi. Il donne ses ordres. Et c'est lui le commandant suprême de cette communauté. Ça, c'est la dénomination. Le représentant légal dans la dénomination est un chef spirituel de cette communauté ou de ce groupe de gens qu'il a déjà fondé. Il a le plein pouvoir. Il nomme, il révoque, il donne ses ordres, il commande la communauté comme il veut. Même sans tenir compte de la parole de Dieu. Bila kuangalia hata kile neno la Mungu iko nasema. Il nomme et révoque tout en tenant compte de ses propres intérêts. Kuangalia tu paka mafaida yake. Un représentant légal dans la dénomination. Musimamizi wa kanisa muzeebu. Il est maître de la commune, de la communauté. Yenjo mwenye ile kanisa. Il est propriétaire de ses églises. Yenjo mwenye ile kanisa. Il est le patron, il est le chef. Yenjo patron. C'est lui qui domine, c'est lui qui règne. Anatawala na kuongoza ile kanisa. Avec son propre pouvoir, son autorité. Na mamlaka yote na serikali. Voyez bien mes frères. Deux fois son autorité s'étend de père en fils. Voyez bien mes frères. Quand il y a un vous les voyez dans la communauté kimbanguiste. Vous voyez, le chef spirituel va de père en fils, de fils en petit-fils. Et qui est-ce qu'il y a? C'est leur mouvement. Ils travaillent pour le progrès de leur famille. Ça n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Tout ce qui se fait là ne respecte pas les saintes écritures. Parce que c'est un domaine d'un homme. C'est une propriété d'un homme. Et dans les représentants légaux, dans la dénomination, est le seul homme le plus saint de sa dénomination. C'est pourquoi il est revêtu des honneurs d'adoration. On l'adore. Vous voyez bien, mes frères. Il est l'homme le plus saint du groupe. Son honneur va jusqu'à l'adoration. C'est un petit Dieu. Quand il vient, tout le monde a besoin d'être touché par lui pour recevoir la bénédiction de lui. C'est ça la dénomination. Le représentant légal a pris la position de Jésus-Christ. Ils ont le pouvoir de changer la doctrine à volonté, de retrancher leurs croyances sans tenir compte de la Bible. Quand le représentant légal lit dans la Bible, il dit contre lui. L'Esprit de Dieu en moi dit ceci. Il ne tient pas compte des Écritures. Il est le seul maître inspirateur de tout ce qui se fait dans la communauté, même sans le respect de la parole de Dieu. Mazebu a une anaboka ya mungu. Va représentant légal de Mazebu a une anaboka ya mianjiko. Beko na tafsiri mianjiko vile banapenda. C'est pourquoi vous remarquerez, pour faire taire la Bible, ils ont créé des écoles théologiques dans lesquelles ils interprètent les Écritures et enseignent à leurs prédicateurs la philosophie de leur dénomination. Vous voyez bien, mes frères, parce que c'est le maître inspirateur. Ils ne respectent pas la parole. Vous voyez bien, mes frères, comme je vous disais ce jour-là, un représentant légal peut se dédier, peut venir dans l'église. Il dit dans la Bible, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Moi, je dis, la femme aussi, c'est une personne. Nous voyons, il y a des femmes au gouvernement. Nous voyons les femmes dans la politique. Nous voyons des femmes très intelligentes. On ne peut pas les discriminer. Moi, j'autorise aux femmes de prêcher. Vous voyez, c'est sa dénomination. C'est sa propriété. Il ne tient pas compte de la Bible. C'est lui le maître inspirateur. Il a sa propre doctrine. Vous voyez bien, mes frères. Ils interprètent les Écritures selon leur raisonnement, selon la sagesse humaine qui est contraire à la Bible. Vous voyez bien, mes frères. Vous voyez bien, mes sœurs, et un représentant légal est l'absolu de cette église, de cette dénomination-là. Vous voyez, l'absolu de la dénomination, de chaque dénomination, c'est son représentant légal. Il envoie des ordres, il reçoit des rapports, il demande des rapports à ce sujet. Il demande les rapports d'argent. Si un pasteur régional et local, et ainsi de suite, n'envoie pas beaucoup de dîmes aux représentants, n'envoie pas de chèvres, n'envoie pas de farine ou des histoires, et que les représentants trouvent qu'il n'est pas penché de son côté pour les servir, il enlève. C'est pourquoi dans la dénomination, pour être pasteur, C'est un titre à compétition. Ni titre ya kubechana. Ah, il faut courir en franc. Il faut payer l'argent. Regarde dans toutes les dénominations ici. Ngare mazebu yote. Ceux qui deviennent pasteurs, tout ça. Pastori. Oui, bangare ata umaseme umu. Regarde même ni kukata milomu na franga. Kukata milomu na bambushi. Avec l'argent ou le chef. De temps en temps, kwenda kwa représentant. Aller voir les représentants. Ma unité, tout ça. Les unités, tout cela. Et pour avoir le pouvoir. Parle au tapata mambla. Ye mounia na kuria mondambo. Lui-même, il mange un peu là. Un représentant de Galna. Et il donne beaucoup aux représentants légaux. Oui, bien mes frères. Les représentants légaux sont les maîtres. Bonjour, Bwana. Ceux qui dominent. Bonjour, Natawala. Ceux qui dirigent. Bonjour, Naongoza. Ceux qui gèrent tout. Bonjour, Naongoza Bioti. Ils gèrent l'argent. Ils gèrent les ordres dans leurs assemblées, dans leurs milieux. Ils inspirent. Voyez, et leur conduite. Ils placent les ordres comme ils veulent, sans tenir compte de la parole de Dieu. Ils sont là pour se servir et pour être servis. C'est ça le comportement. Ils ont des fausses doctrines qu'ils font naître à tout vent de doctrines. Voilà la dénomination. Vous voyez bien mes frères. Mais dans le message, la différence. Le représentant, dans le message, n'est pas un chef spirituel. C'est un simple frère dans notre communauté chrétienne qui croit à la Bible et au message du temps de la fin selon la saine doctrine. Et c'est le représentant est choisi par le pasteur local. Ce sont le pasteur responsable des assemblées locales, des assemblées autonomes, indépendantes et souveraines, qui regardent parmi les pasteurs, ils choisissent l'un d'eux en qui il met confiance, il les choisit pour qu'il les représente devant la loi. La loi du pays, bien sûr. Vous savez tout ce que signifie une église autonome, indépendante et souveraine. If tu à Kambov, tel que nous sommes ici à Kambov, au-dessus de moi, yulu yangu mi pastor, hakuna mtu hata moya, ule ambao eko na nitawala, na ule ambao eko na nitumia maorde na vya kufana mwi kanisa. Pour que vous compreniez, tu m'opate kuelewa. L'église de Kambov, Kambov, elle est souveraine, elle est autonome, elle est indépendante. Non, nous n'avons reçu aucun sou d'une assemblée sœurs ou d'un certain frère ou d'une certaine organisation. Ni franga yenu, mweye franga. Il est mon atoshi à Jasho. Joyle, il connaît sa vie du biotehibi. Il a foiré une vie du biotehibi. Ce n'est pas l'argent qui vient d'ailleurs. C'est ce qui trouve les dénominations. Quand il entre au milieu de nous, on a semé. Ah, ils ont beaucoup d'argent. C'est vous qui êtes l'argent du Seigneur. C'est pourquoi mon achat comme ombre de l'ancien Seigneur, Paris qui canisa. Vous voyez, cette église, parce que l'argent marche avec l'évangile. Vous voyez, on est là bien dans un bon bâtiment. Ce n'est pas par la voie de la prière. La prière a béni vos activités. Vous avez eu l'argent. Dieu vous a donné l'argent. Et Dieu vous a donné un cœur de lui restituer une part de ce qu'il vous a donné pour contribuer à son œuvre. Et vous nous avez donné cet argent. Et nous aussi, nous l'avons retourné au Seigneur pour construire, vous construire un bâtiment. Et qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a aucun Nomme qui nous dit, voilà les plans. Comme vous le voyez, c'est le témoin de Jéhovah. Il faut États-Unis à commander. Non, il faut que les États-Unis puissent commander. Non, bien aimé frère. Si les notre mère, c'est nous qui les interrompons ici. S'ils sont en difficulté, c'est nous qui les assistons ici. Voyez bien mes frères. Si y a à construire, c'est nous-mêmes qui les faisons. Voyez bien mes frères. Nous n'avons pas un quartier général là où nous avons notre rapport. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un quartier où nous déplacerons. Nous n'avons pas Moussimani à Lubumbashi, ni à Kinshasa, ni à Krefeld, ou à Jeffersonville aux États-Unis. Cette église, elle est autonome. Elle est indépendante, elle est souveraine. Les décisions que cette église prend ici, aucun homme ne peut venir qui n'est pas membre de cette église, il dirait un mot. Vous voyez bien mes frères, parce qu'il y a toujours des tendances, des frères qui ne comprennent pas. Cette grande église. Nous sommes au même niveau que notre église de Likasi, que notre église de Lubumbashi, que notre église de Kolozi, que notre église de Kinshasa, que notre église de Krefeld. Toutes ces églises là ou leurs conducteurs ne sont pas nos chefs à qui nous donnons les rapports. Non, frère. Vous voyez bien mes frères, tout c'est fait ici. Quand nous voulons faire quelque chose, le Saint-Esprit m'inspire en moi, comme un ancien de cette église, pour faire quelque chose. Voyez. Quand il y a quelque chose même de spirituel, le Saint-Esprit, à travers la Bible et le message du temps des affaires, vient m'inspirer ce que je dois faire. Atakubiri. Même prêcher. Je n'attends pas que quelqu'un à nous donner bien couvrir. Je m'envoie ce qu'il faut enseigner. Je m'attends à Dieu. Dieu met sur mon cœur quelque chose qui va aider l'église. Donc, cette église, elle est indépendante, elle est autonome. Atawezi kututumia mtu ya kutudomine. Tuna seme Jose ana mtu wa bien. Tuna kutumia frère fulani akuyasose wako. Ça n'existe pas. Ou quelqu'un in notre église, ou quelqu'un qui nous envoie les diacres. Non. Tout se passe ici localement avec l'aide de la Bible et du Saint-Esprit, et cela s'arrête là. Vous voyez bien mes frères, donc un représentant légal, comme je le disais dans le message, est un frère dans notre communauté chrétienne qui a été choisi par les pasteurs locaux pour représenter nos églises autonomes, souveraines, indépendantes auprès de la loi. Pourquoi nous l'avons fait? C'est pour honorer l'écriture que nous avons lue. De Romains 13, versets 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Nous respectons cela. Et nous nous conformons à la loi du pays. Vous voyez bien mes frères, c'est pour se conformer à la loi du pays, comme chaque église locale n'a pas la possibilité d'aller à Kinshasa pour aller chercher sa personnalité juridique et pour avoir cette personnalité juridique, il y a des conditions à remplir. Il y a un nombre de croyants qu'il faut avoir pour que vous ayez cette autorisation. C'est pourquoi nous nous sommes convenus comme des frères, comme des responsables. C'est pour que le frère nous représente. On peut les changer. S'il commence des histoires, on peut se réunir en conseil et les changer encore. Vous voyez bien mes frères. C'est pour honorer Matthieu 22. Matayo sura makumi mbili na verset 21. Musaria makumi mbili na moja. De César, lui répondirent-ils. Il est inscription. Je vais plus vite. De César, lui répondirent-ils. Wakamujibu. Il est où ce compagnon de César? Wakamujibu. Ah. Alors il leur dit, Jésus leur dit, yes, rendez à César ce qui est à César. Comme César nous demande d'avoir une personnalité juridique avec un représentant pour se conformer, c'est pourquoi nous avons choisi un frère qui représente légalement nos assemblées locales autonomes, indépendantes auprès de la loi et auprès des autorités locales. Ce représentant dans le message n'a aucune autorité sur les assemblées locales. L'église est avec moi. Le représentant décale dans notre message. Il n'a pas d'autorité sur les assemblées locales. Il ne gère pas les assemblées locales. Il n'a pas d'ordre à donner aux assemblées locales. Cet homme-là ne commande pas. Il ne domine pas. Il n'a rien à dicter aux assemblées locales dans ce qu'ils doivent faire. Il n'a aucun rapport à demander et il n'y a aucun rapport à lui envoyer. Toutes les assemblées locales se conduisent elles-mêmes sous la conduite du Saint-Esprit qui est le véritable conducteur. C'est pourquoi les assemblées locales établissent elles-mêmes leurs pasteurs, leurs anciens, leurs administrateurs. Ils établissent, ils gèrent leur argent pour le bien-être de la communauté. Voyez, et ne reçoivent aucun ordre venant d'ailleurs. Chaque assemblée locale est libre, indépendante, autonome et souveraine selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, chaque assemblée locale doit être gérée selon les Écritures et selon la parole de Dieu biblique révélée. Mais les assemblées locales ou les assemblées sœurs fraternisent dans une communion. Voyez, comme des assemblées sœurs, ils fraternisent. Mais aucun ne domine. Nous sommes ici. Nous ne dominons pas l'église de Kashengene. C'est notre église sœur. Nous ne dominons pas l'église de Kabundami. C'est notre église sœur. Nous ne dominons pas l'église de Mubambe ou l'église de Kimpese. Ce sont autres églises, hein, avec lesquelles nous fraternisons. Il est tout shiriki nayo pamoja. Voyez. On a ona. Il nous envoie de, il ne nous envoie pas de rapport. Nous ne demandons pas de rapport. Nous ne connaissons même pas leur caisse. Nous ne connaissons pas ce qu'ils font avec leur argent. Mais nous sommes des frères. Et nous sommes des assemblées sœurs. Et dans le message du temps de la fin, le représentant légal n'est pas un absolu des églises locales. Notre absolu, c'est la Bible. Pas un homme. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. C'est ce qui fait la différence. Même quand le représentant légal vient ici, même vous ne savez pas que c'est lui le représentant. Il prêche comme un simple prédicateur. Et c'est ce qu'il est. Il est pasteur dans son église. Mais quand il vient ici, c'est un prédicateur de passage. Il nous édifie avec son ministère. Et il s'en va. Il n'a pas de remarques à faire à cette église. Il n'a pas d'ordre à me donner. Il n'a pas d'ordre à donner aux frères. Non, bien aimé frère. Vous voyez. Mais on se respecte mutuellement. Comme des frères. Il n'y a pas de chef parmi nous. Il n'y a pas de pasteur chef. Il n'y a pas de pasteur chef. Et le représentant légal n'a rien à faire dans le domaine spirituel. Kajiake, ni kama l'État en apenda. Lorsque kusema na shii sabi sheba tutawezi kuenda tunamutumahia nenda jwa nakua kutuambia kusema leta nasema hapa sasa hivi na hivi na hivi sasa limita sasa elu konforme elu konformo uluwa jupei ya unu avansi tunaendelea. Voyez bien mes frères. On a un tout apa. Ne peut pas venir ici. Jo, tu n'as pas un mangala là, à côté au cou, dans ma frère. Vous ne verrez jamais cela. Et nous n'en parlerons même pas. Ça ne fait même pas une partie de la prédication. Ici, j'en parle parce que c'est une question que vous m'avez posée. Hein? Sinon, ça ne fait même pas un problème. Ce n'est même pas un débat. Vous voyez bien mes frères. On a un tout. Voyez bien, mes sœurs. Nous sommes la propriété de Christ. Nous ne sommes pas la propriété d'un individu. Il n'y a personne au milieu de nous qui nous domine. Jésus-Christ est notre grand berger. Jésus-Christ, c'est lui le patron de cette église. C'est lui le propriétaire de cette église. Même moi, en tant qu'ancien de cette église, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Tout ce que je dois faire doit être conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas mon église, c'est l'église Seigneur. Voyez bien mes frères. C'est pas comme je vous ai souvent dit. Même les documents, les certificats d'enregistrement de cette église est consigné au nom du Kambov Tabernacle. L'église et tout ce qui lui appartient ne m'appartient pas. Ce ne sont même pas le bien. Du centre missionnaire. Non, bien aimés frères. Ce sont les biens de l'église locale de Kambov. Ce sont les biens des dieux que Dieu gère à partir de la cité de Kambov. Ce ne sont pas mes biens. Ce ne sont pas les biens du conseil de l'église. Tout ce que nous avons, guitare, tout ce que vous voyez, le bureau, tout ce que vous voyez là, c'est pour Dieu, c'est pour l'église Kambov. Ça n'appartient à personne, ça ne m'appartient pas. Aucun de mes frères, aucun de mon fils ne peut lever sa petite voix pour réclamer quoi que ce soit de cette église. Vous voyez bien mes frères, si vous avez vu dans d'autres églises, on parle de père en fils, ça c'est leur problème, ce sont des déminations du message. Ce n'est pas dans l'esprit du message. Alors, voilà la différence entre la dénomination et nous. Les caractéristiques d'une dénomination, c'est la fausse doctrine, hiérarchie, le nicolaïsme, l'évalamisme, concurrence des membres, c'est l'homme qui conduit avec sa pensée charnelle sans le Saint-Esprit. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui doit agir au milieu de son peuple. Quand nous sommes arrivés en 1982, frère Franck est arrivé ici avec frère Balier. Et cette question, comme cela préoccupait beaucoup. Cette question lui avait été posée. Dans question-réponse du mercredi à minuit, le 14 juillet 1982, République à Lubumbashi, République du Zaïre. Question a été posée à frère Franck à la page 7. Kartasi ya Saba. Dans notre pays, muichi yetu, chaque église est obligée d'avoir un papier officiel donné par l'État, par lequel on autorise de prêcher. Que pouvons-nous faire dans ce cas? Beaucoup de frères sont persécutés parce qu'ils pensent que nous allons devenir une dénomination quand nous aurons ces papiers. Cela, frère Franck répond, cela est la meilleure question que nous allons écouter ce soir. Nous avons déjà parlé de ceci à Kinshasa, Kisangani et à Goma. Na Kugoma. Maintenant, la même question se pose encore ici. Je suis totalement contre les organisations. Mais nous devons nous conformer aux exigences du pays dans lequel nous vivons. Comme Dieu nous a donné les contacts avec l'ambassade du pays, et que peut-être à travers le ministre de l'Intérieur, je ferai de tout mon mieux pour que vous puissiez avoir la permission officielle pour que vous puissiez vous réunir. Tout ce que moi je désire et que chaque assemblée qui se trouve dans une ville donne le nom du responsable de cette assemblée, parfois le nombre d'années pendant lesquelles ce frère a servi comme ministre. Alors je pourrais donner ceci à l'ambassadeur, et peut-être si Dieu est dans ce programme, nous allons réussir à avoir une permission. Mais Sasa, ici, je dois mettre l'accent sur quelque chose. Taweka mukazo pa kitu kimoya. Nous croyons à la souveraineté de l'assemblée locale. Tunaamini ya kwamba kanisa pahali kuna utawala wenyewe. Donc, le quartier général. Manake quartier général. Doit se trouver au ciel. Inapashi kupatikana kumbingu. Mais alakini, chaque assemblée locale est indépendante. Kila kanisa pahali ikuna ruhusa ya. Mais nous devons nous entendre. Tunapashi kusikilizana. Sur un nom commun. Pa jina moja. Il se peut que quelques frères aient des suggestions. Unaweza kuwa bantu kumeko na mawazo yabo. Le nom ne doit pas être différent. Jina ipashi kuachana. Le nom peut être assemblée chrétienne du Zaïre. Unaweza kuwa assemblée chrétienne ya Muzaïre. Ou quelque chose d'autre en français. Wala kitu kingine mukifransa. Mais tant que nous sommes reconnus. Sawa vile wanatujua. Nous avons la permission de nous réunir. Tuna ruhusa ya kukusanyika. Alors vous comprenez. Pale ndio mtaelewa. Que alors vous comprenez, unaelewa? Si un homme est choisi, kama tunachagula mtu, il est choisi dans le but d'avoir la permission du pays pour vous réunir. Tunamuchagula juu, tupate kuwako na ruhusa ya muinchi kukusanyika. Si cela concerne une dénomination, si cela concerne une dénomination, kwa yenye kuelekea zehebu, quel que soit le nom, rappelez-vous ceci, chaque assemblée locale est responsable d'elle-même. Mais nous travaillons ensemble comme des frères. Pas un frère, pas quelqu'un qui quitte Kinshasa pour venir à Lubumbashi, disant, toi tu es pasteur, toi tu es co-pasteur, toi tu es ancien, toi tu es ceci, toi tu es cela, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, c'est impossible. Vous voyez, même si c'est un frère qui quitte l'Amérique ou l'Europe, il ne peut pas venir et dire, toi tu es apôtre, toi tu es ceci, toi tu es cela. Nous venons simplement servir avec la parole de Dieu et le reste est entre vous et Dieu. C'est sûr. Amen. Amen. Vous voyez les conseils que nous avons suivis. Unaona shauri ile tulipokea. C'est ces conseils qui nous a amené. Jo shauri ile litusukuma. Avoir des documents. Tuwe na mabarua. Pour être reconnu officiellement. Tujue kwa serikali. Afin que nous ayons le temps. Ile tuwe na wakati. De nous réunir librement. Ya kukusanyika na uhuru yote. Vous voyez bien mes frères. Unaona tuko mpendo. Donc le représentant. Manake msimamizi. Dans le message du temps de la fin. Mujumbe wakati wa mwisho. Il n'est pas un chef. Ashina chefu. Les églises locales ne lui appartiennent pas. Makanisa pahali haina yake. Il n'a même pas un brin de pouvoir. Ana matana kanje. Si les assemblées locales. Ya mamlaka mpa. C'est un simple frère. Quand il va visiter les églises. Il visite les églises. Sur base de son ministère. Que Dieu lui a donné. C'est tout. Comme Ephésiens 4:11. Il ne visite jamais les églises comme un représentant. Il ne doit même pas être connu de nos assemblées locales. Ce n'est pas important. Ça n'a aucune valeur. Mais auprès de l'État, ça se passe au niveau des conducteurs. Mais pour qui est de notre salut, de notre foi, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la Bible, le message du temps de la fin est là, nous pouvons recevoir les conseils des hommes de Dieu. Cela n'est pas un problème. Voilà ce que je peux dire ici sur la question qui m'a été posée. Mais connaître les intentions de ceux qui vont remplacer ceux qui nous représentent aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais nous veillons cela. Même après notre départ, nous veillerons cela. Aussi longtemps que moi je suis ici à Kambo, je ne permettrai à aucun cas taruso atamala moya. Qu'un frère d'ailleurs donne des ordres à cette église ou fasse quoi que ce soit dans cette église, wala non bien aimé. Donc je ne dépends de personne au monde. Je n'ai pas de quartier général au monde. L'église de Kambove n'a pas de quartier général au monde. Même ce qui s'est fait dans notre centre de Jésus-Christ. La dénomination là qui nous représente auprès de l'État, nous veillons pour que tout ce qui se fait soit conforme à la parole et laisse les églises indépendantes, libres, autonomes. Quand il y a un frère parmi ceux qui représentent, commence maintenant à déranger, là nous allons les dénoncer. S'il faut qu'on l'enlève, on doit l'enlever. Parce qu'il n'est pas dans l'objectif dans lequel nous avons réclamé les documents auprès de l'État. Donc n'ayez aucune crainte. Dieu est avec nous. Recevez la parole librement, avec joie, sans y repenser. Recevez le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Est-ce que vous avez compris? Ça, je ne pouvais pas le lire. Prenez vous qui écrivez. La parole parlée est la semence originelle. Parole parlée est la semence originelle. À la page 60. 61. Ah, Frère Branham montre comment se forme la dénomination et ce qui caractérise la dénomination. Le nom de Jésus-Christ. Page 4. Paragraphe 18 à 21. Ici, Frère Branham explique comment débute une dénomination. Voyez, des fois, il commence par une petite révélation, une petite compréhension de l'écriture, une petite croyance, et les gens viennent tout autour de cette petite révélation et ils en font une doctrine et établissent une dénomination. Vous lirez cela dans le nom de Jésus. Et à la part, au paragraphe 172, sans oublier aussi 127, 172, paragraphe 18 à 21, la Frère Branham explique comment une dénomination commence. Quand j'ai réfléchi à mes voix, du 10 juin 1959, au paragraphe 2, ici, vous verrez comment Frère Branham, il parle de la fondation de l'Église et comment cela a été enregistré auprès du gouvernement et comment le tabernacle est un tabernacle interdénominationnel. Vous voyez comment elle est libre. Tout le monde peut venir adorer. On ne chasse personne. Pourvu que celui qui vient adorer avec nous respecte notre ordre, respecte notre discipline, respecte nos enseignements, respecte notre foi. Vous voyez, c'est ici que nous avons le droit de choisir nos frères comme diacres, comme anciens, administrateurs, trésoriers. Vous les lirez aussi ici. Que Dieu vous bénisse. Qui a une question à chaud sur ce qu'on a dit? Nani ule kona ulizo baitu natoka mkusema? Qui n'a pas compris? Nani ule asikuelewe? Et qui a une question là où il n'a pas compris? Na ni nane kona ulizo pa ile asikusikie? Il pose sa question. Aulize ulizo yake. Nous allons répondre à cela. Tutajibia. avant de clôturer les questions. Mbele ya kumaliza maulizo na majibu. Oui, frère. Prends le micro. Merci, pasteur. Ni juste question et précision. Mipena ni jue représentant ule unashimamia makanisa yote ya message. Ile makanisa muku inclut na ma ile kuma fausse doctrine na ile kuma sainte doctrine yote ensemble kuna représentant ule mwetu. Non, non. Il a posé la question du frère. Munafata ulizo nduku? Mumujumbe dans les messages. Il y a ceux qui croient à la révélation des tonnerres. Et ceux qui ne croient pas à la révélation des tonnerres. Il y a ceux qui croient à la venue de Jésus-Christ. Il y a ceux-là qui croient qu'il faut se marier à plusieurs femmes. Tous ces groupes avec qui nous ne sommes pas. Pour avoir une personnalité juridique, il faut avoir juridique. La même doctrine. Nous ne permettons pas aux gens polygamie, de se marier à polygamie, ce n'est pas notre doctrine. Nous ne croyons pas à la polygamie. Si atuamini kusema Yesu anashakuya na bafunisha kufufuka. Les morts sont déjà ressuscités. Atuamini asante tu nikuwa enlevé. Nous ne croyons pas que nous sommes déjà enlevés. Atuamini kusema tonne ko révélé. Nous ne croyons pas la révélation. Au frère Branham a kufununa bintu abina ndana Biblia. Au frère Branham est venu de faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Aina imani yetu. Mu personnalité yetu juridique. Dans notre personnalité juridique. Iko na couvrir seulement les assemblées qui croient à la saine doctrine. Ni paka yabale banaamini mafundisho safi. Ya Biblia. Ya Biblia. C'est tout. Kunaisha. Merci une église. Sasa kama kanisa moya. Quelconque veut venir chercher les documents, on peut lui donner. Fulani, il a pourvu qu'il le respecte. Kutulomba, qui ne crée pas de problème. Tout en partie à la qui n'a pas échimié. Achilete mofujo. Nous n'avons pas un problème de documents. Atuna na mambo. Mambo yetu ni tu abudu hivi tu kunabudu calmement. Ce qui est essentiel est d'adorer en paix. Parce que mwanjo nous mettait en cachot. Au début là-bas, on était en captivité, en cachot. Frère Mbia Kalombo, le pasteur de Mbujimayi, a été Kalombo. Mis en prison à cause de ça. Ah, bari mufunga kajua hiyo. Donc, il y a beaucoup de frères qui ont subi cette persécution. C'est pourquoi vous voyez dans la question qui a été posée à Frère Franck, on dit il y a des frères qui sont persécutés parce qu'on craignait au début d'avoir les documents, c'est être une dénomination. Maintenant, quand les choses nous avaient été amplement expliqué, donc Banaki, la personnalité juridique il est Rusa Yakwabudu, de SMJC, SMJC Centre Missionnaire de Jésus-Christ au Congo, Centre Missionnaire de Jésus-Christ au Congo couvre seulement les églises de la sainte doctrine. Ah. Même nos frères qui sont en Zambie, aux États-Unis et en Afrique du Sud, le centre missionnaire les couvre, ceux qui sont dans la même foi que nous. On a eu le temps d'écrire des lettres à leur gouvernement, comme Frère Franck avait fait pour nous. Pour demander aux autorités de ces pays-là de laisser les frères adorer librement, parce que nous sommes déjà une église qui est reconnue auprès des autorités. Et les autorités des autres pays étrangers, quand ils reçoivent notre personnalité juridique, maintenant nationalement, il faut aussi leur autorisation pour laisser les frères aussi œuvrer librement. Et comme il y a beaucoup d'assemblées à l'étranger dont leurs bergers sont les Congolais, des fois ils sont reçus là comme des missionnaires pour les aider à œuvrer dans la paix. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Y a-t-il encore une autre question? Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Levons-nous pour un mot de prière. Tusimame juu ya maombi. Mardi, nous commençons avec la parole prophétique. Mukazimbiri tutanza na neno ya unabii. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Asanti juu ya maulizo yote mliouliza. Gardez toujours l'esprit d'amour au milieu de vous. Mchunge roho ya mapendo katikati yetu. L'esprit d'unité. Roho ya umoja. Prions. Tuombe. Tout-Puissant, Mungu wa uwezo yote. Dans le nom de Jésus-Christ, Daniajina ya Bwana wetu Yesu Kristo, te disons merci. Tunakusema asante. Toi qui es la tête de l'Église, wewe mwenye kuwa kichwa ya kanisa, tu es le pasteur de l'Église, na pastori wa kanisa, c'est toi qui es le sauveur, na ni wewe ndio mkombozi, et c'est toi le guide, ni wewe ndio mwongozi. Merci pour tous ces éclaircissements. Asante, joy mwangaza yote. Et même en repartant de ces lieux, na mkutoka pa ifashi, n'allons pas dire que Ngoi a dit. Atutasema Ngoi alisema. Non, nous croyons de tout cœur. Tunaamini ndani ya moyo wetu yote. C'est toi. Ya kusema ni wewe. J'avais dit. Jorisema. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa yangu. Et c'est toi qui établis des hommes. Na niwe njo kunaweka batu. Pour que toi tu parles au travers des hommes. Upate kutemezea kupitia bo. Et même s'il y a encore d'autres préoccupations dans nos cœurs. Na kama kuko tena mangaiko ngine ndani ya moyo yetu. Nous croyons que tu nous éclaireras davantage. Tunaamini akusema utetuangazia tena zaidi. Mais pour l'instant. Lakini kwa hiyo wakati. Conduis chacun de nous. Uongoze kila moja wetu. Dans ta voix. Munjia yako. Incline nos cœurs. Upate kuinamisha mioyo yetu. Dans l'obéissance. Katika utiifu. Et suscite en nous. Na ulamushe ndani yetu. Une fermeté. Ah. Vis-à-vis de ta parole. Simama imara kumbele ya neno lako. Bénis ton serviteur. Bariki mtumishi wako. Fortifie-le encore. Tie tena nguvu. Équipe-le de manière. Que tout le temps que nous serons avec lui, qu'il soit à la hauteur pour nous aider. Au nom de Jésus-Christ, te l'avons demandé. Amen. Amen.